ça tourne sans casque. Nouveau game, nouvelle époque. Ma défense c'est l'attaque. Wesh alors le game, en rafalant des gaines. Commence à faire du buzz et à changer de dégaine. J'vais être là où, ça pense qu'à ce gain. Sous shit la semaine, sous Jack Miel le week-end. J'ai ma petite paire de Nike Air, j'fume et j'suis die. Ça m'écoute à Nanterre et les petits dérails. Qui est, j'prends la route, j'm'endors au volant. J'tourne avec les genoux, aquarium c'est affolant. Qui veut me freiner, là j'suis dans mon élan. Ça me critique à croire qu'ils veulent que j'sois insolent. Ta femme te quitte et quitte et quitte et quitte, quitte. Résultat tu craques, crac, crac, crac, crac. Mais dis pas qu'on est quitte et quitte, quitte, quitte, quitte. Mon rap c'est ma gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. Mais dis pas qu'on est quitte, quitte, quitte, quitte, quitte. Mon rap c'est ma gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. Pour les vrais, pour les vaillants. Platine. Les cassos dans le bloc. Un opinel ou un glock. Interdit de soc. J'suis le même motherfucker. Que ça tourne sans casque. Nouveau game, nouvelle époque. Ma défense c'est l'attaque. Injou pas perso, fais tourner le ballon. J'suis solo, j'connais des gains, moi j'ai pas le bras long. Oui j'ai le talent, donc s'te plaît range ta langue. Pour percer beaucoup sont prêts à mettre des talents. Pour les vrais au ballon, Luin, Ponté, Beaumet, La Farlette, Tarascon, Grasse et Salon. Fuck ces salopes de Schmitt qui nous font faire des slaloms. Slalom, slalom, slalom. Ça vivait petit salaire, à deux sur une canette. Laisse-moi faire un cap, il est volé le Hornet. Il me voit comme un ovni, comme une comète. J'annonce mon retour et va les commères. Je vais te remplir, c'est une erreur, tu commets. Tu connais en comique, t'as fait all eyes on me. Comme Tony, je promets. Sur le canon de mon 765 chromé. Je me mets en I, du jarret à Dromel. Quand je suis pas bien, je sais les vrais, pour les vaillants. Les cassos dans le bloc. Un opinel ou un glock. Interdit de soc. J'suis le même motherfucker. Que ça tourne sans casque. Nouveau game, nouvelle époque. Ma défense c'est l'attaque. Niquez vos grand-mères. J'ai pas que ça à faire. Y'a du buzz à faire. Mets-toi devant ma route sur chaque qui t'envoie en l'air. Mais à quoi ça sert de me critiquer, regarde un peu le cul de ta sœur. Dans le sens, je me promène. À trop faire le vrai, on voit que t'es faux, man. J'ai pris du beat, j'ai pas trop les abdomens. Et pour faire du bif, c'est chacun son domaine. Doré de platine sur ta chaîne, chaîne, chaîne. J'me fais blanc platine pour ta chaîne, chaîne, chaîne. Tu te retournes et s'agite dans la haine, haine. Mais j'reste agile, ils me font de la peine, peine, peine, peine, peine, peine, peine, peine, peine, peine, peine. Doré de platine. Un opinel ou un glock. Doré de platine. Interdit de soc. Doré de platine. J'suis le même motherfucker. Doré de platine. Que ça tourne sans casque. Doré de platine. Nouveau game, nouvelle époque. Doré de platine. Ma défense c'est l'attaque. Tac, tac. Pour les vrais, pour les vaillants. Doré de platine. Les cassos dans le bloc. Doré de platine. Un opinel ou un glock. Doré de platine. Interdit de soc. Doré de platine. J'suis le même motherfucker. Doré de platine. Que ça tourne sans casque. Doré de platine. Nouveau game, nouvelle époque. Doré de platine. Ma défense c'est l'attaque. Doré de platine.